partir de maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cayenne. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Cayenne, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue le Planet Rap avec Cayenne. Salut Fred. Comment ça va ce soir? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais, super. C'est bien, on va refaire le plan d'hier, on est entre gonzesses. Toujours. Ce soir. Mimi qui est de retour, qui t'a accompagné hier soir dans l'émission, ouais. Qu'on va retrouver d'ailleurs dans le petit replay pour débuter. Peut-être d'autres invités aussi qui vont nous rejoindre entre 20 et 21. Il y aura les filles de bande de filles. Très bien, on va en parler dans un instant aussi, ne bougez pas. Et juste avant, on se rappelle ce qui s'est passé la veille. Le replay de Planet Rap avec Cayenne, ça donnait ça hier soir. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Yo, j'analyse le truc et je vois que c'est grave. Les rêves se butent pour des paquets de massa. Check le massacre, tout ça juste pour des thunes. Mes rêves mettent les mini-jupes pour aller bosser dans le barca. Tu crois que je blague quand je dis que c'est grave? Société où le manque de fric peut même les pousser à la cave. Gosse à la DAS, famille décomposée. RSA ou chômage, dans le frigo rien à manger. Là, être une femme, c'est être une mère. Parfois, c'est être un père. Être une femme, c'est l'inquiétude qui se réfugie dans la prière. Être une femme, c'est horrible, torride, morbide. Quand chacune de nos peines est considérée comme un orbite. Et ouais, on a les couilles, on sait encaisser les coups. On n'a pas tendu Simone Veil pour se comporter comme des loups. C'est trash d'être une femme et qu'on te dise la ferme. T'es bonne qu'à faire la graille ou au pire faire la vaisselle. C'était hier soir. J'ai rêvé d'être libre, oui, moi j'ai rêvé de vivre. J'ai pas choisi ma vie, mais moi j'ai rêvé de vivre. J'ai rêvé d'être clean, j'ai rêvé d'être riche. Hamdoula, j'ai des sauces, pourtant je me lève encore triste. J'ai pas choisi ma vie, non, j'ai pas choisi ma ligne. Je voulais être dans le din, pourtant je bois l'alcool des vignes. Je partirai sans rien, même si je pars avec des rides. Ma vie n'était pas simple, pourtant je continue de rire. Je continue de rire. Je suis fier de venir d'en bas, mais je vise le sommet de la vie. Le sommet de la rime, ouais, le sommet quand tu trimes. Frérot, même si t'as rien, dis-toi que rien ne vaut la vie. Ce soir, Planet Rap Cayenne. Le Planet Rap Cayenne, c'était hier soir. Petit replay avec les lives, les beaux lives d'hier soir dans l'émission entre 20 et 21. Yes. Avec toi, Cayenne, ce soir. Donc, il y aura aussi, donc j'ai bien compris. Iso. Tu nous as ressorti. Ce soir, attends, une petite surprise. Un dinosaure de la musique. Voilà, c'est clair, une légende de la musique. Une légende de la musique. Un gars qui a accompagné tellement de gens dans c'est le rap. Clair. Et pas que dans le rap, hein, évidemment, mais. Dans la musique. Dans la musique. Ça va bien, Iso, ça fait plaisir de te voir aussi. Ça va, Iso est toujours très discret. Il a sa guitare de sortie. T'as bossé un petit peu avec lui sur l'album, sur le projet ou pas? Ouais, il m'a joué pas mal d'instru. Et puis là, aujourd'hui, on va faire un petit live ensemble. Bon, et bah très bien. Donc, Iso qui est là avec nous. J'en place une, tiens, pour un garçon qui est derrière moi qui s'appelle Serge M. C'est pas le papa de Black M. Hein. Je te dis ça, mais pas loin. Il a fait partie à une époque d'un groupe qui s'appelait Mafia Tressée. D'accord. Voilà. Et maintenant, il est devenu avocat. Célèbre avocat pénaliste. Donc, d'accord. Je te souhaite pas d'avoir des ennuis, mais. Au cas où. Bon, d'avoir une petite carte, tu vois, en loose day. Et il est venu nous faire un petit coucou. Il y a l'équipe de Canal Plus du c'est supplément super. Qui est là, qui est venu en train de filmer de cette reconversion dans le rap. Je sais pas, tiens, d'ailleurs, toi, si tu pensais à faire quelque chose hormis le rap qui était ta passion, est-ce que t'avais une envie d'un boulot en particulier de... Enfin, boulot en particulier, honnêtement, ouais, je me serais bien vu hôtesse de l'air dans une autre vie. Ah bon? Honnêtement, ouais. Bah après. J'aime bien voyager, donc écoute. Tu t'associes les deux. Ouais, voilà. Mais toi, le droit, non, le truc. Non, c'est pas. Ce serait bien, j'aimerais bien te voir en avocate comme ça, avec les dreads, comme ça, arriver. Je crois pas que je suis très crédible. Bon, écoute, on sait jamais. Bon, en tout cas, voilà une grosse dédicace à Serge. Ouais, c'est plaisir de le retrouver. Bienvenue, super. Passez nous faire un petit coucou dans l'émission. C'est gentil. Et on peut débuter donc ce Planet Rap avec Cayenne, qu'on découvre cette semaine entre 20h et 21h. Le projet sort lundi. Yes. Lundi. Ça approche. 20 avril, ça approche. On débute avec Faut qu'on se lève. Faut qu'on se lève, allez. Allez, c'est parti sur Skyrock. Faut qu'on se lève. Y et W. On se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Ne nous prendront plus la tête. Ne nous prendront plus la tête. On se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre. Cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guette, cessons de nous prendre la tête. Et dans les ruelles, ça se buvait comme en lutter contre un baby. Et tu sais que le rêve s'est emballé. Quand j'y crois, c'est d'aider, tu peux bien finir en sandales. Sans dollars, sans dollars. Cette chose-là, c'est s'emparer de ton cœur. Et sans parler, tu peux finir très mal. Mais il faut qu'on se lève sur cette musique qui nous baisse. Dans nos rimes et nos cœurs. Sur le rythme et dans nos cœurs. solitude et le manque de vie te tue. Il faut que nos rêves fonctionnent et nous emmènent dans un monde meilleur. Fonctionnent et nous emmènent dans un monde meilleur. On se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête, mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nos cœurs, cette part de rêve nous amène à tout cœur. Donc nos rêves et que le mal-être nous guérit. Cessons de nous prendre la tête et dans les ruelles ça se bute. Mais comment lutter contre un mur? J'ai le cœur sur la main, mais ma main s'essouffle. L'environnement m'étouffe, un cri, une voix, une larme chaque jour. En effet ça m'étouffe, vivre pour mourir, nuire pour sourire, aimer pour souffrir. Au final on sait, mais au final on sait. Vie c'est bien, vie ça coule, vie ça pleinement. Une joie de vivre déterminée dans les sales moments. Si seulement je pouvais éviter ça. Se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête, mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre, cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête, mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guérit. Cessons de nous prendre la tête et dans les ruelles ça se bute. Mais comment lutter contre un mur? Là-bas sa vie, oui là-bas c'est bien. On suit tous la même ligne pour se creuser un chemin. Là-bas c'est yes, là-bas c'est cool. Là-bas c'est toujours mieux que ce que l'on a tous. Là-bas sa vie, oui là-bas c'est bien. On suit tous la même ligne pour se creuser un chemin. Là-bas c'est yes, yes, là-bas c'est cool, cool. Là-bas c'est toujours mieux que ce que l'on a. Se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête, mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre, cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête, mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guérit. Cessons de nous prendre la tête et dans les ruelles ça se bute. Mais comment lutter contre un mur? Yoni Willy, Willy Yoni, bang bang, kakakakayen, tiki-ta. C'est Cayenne avec Faut qu'on se lève. Oui. Le projet arrive lundi. Lundi dans les premier bacs. Projet pour Cayenne. Premier projet, premier EP dans les bacs. Comment tu sens d'ailleurs? Super bien. Quoi, on est à 4 jours maintenant de la sortie. 4 jours, un peu stressé, bah c'est un premier projet mais super bien. Mais généralement ouais, les premiers projets c'est quoi? T'as quand même un peu de doute ou non? Bah énormément, ouais. Énormément. Bah on sait pas dans quoi on va. Maintenant bah on tente le truc. Il y a pas à se prendre la tête non plus quoi. Enfin j'ai envie de dire j'ai rien à perdre donc. On verra ce que ça donne. Ouais, mais franchement, non, je le prends super bien. Tiens, suivez justement. Oui, tu fais pas de cauchemar la nuit, ça va? Non, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, non, je dors super bien. Mmh. Ça va, c'est cool. Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, une espèce de d'émulsion, j'ai envie de dire? Est-ce que tu écris beaucoup en ce moment ou pas trop? De toute façon, j'ai toujours beaucoup écrit. Donc, j'ai envie de dire, ça change pas, quoi. Tous les jours, même quand nos studios, on essaie de gratter un peu. Ça change. Toi, il faut quoi? Il faut une ambiance particulière? Il faut que tu sois en studio pour écrire? Il faut ou alors pas parfois, forcément, non. Des fois, je suis chez moi, je mets une instru comme ça, la mélodie, elle me plaît, je vais écrire. Bon, dernier texte que tu as écrit, c'était sur quoi alors? C'était aujourd'hui, on va te le faire avec Mimi tout à l'heure. Ah ouais? En live. Faut bosser les filles. Bah oui. C'est un morceau qui parle d'un thème en particulier? Prendre le large. Ah. On a envie de se parler. On parlait d'hôtesse de l'air tout à l'heure. Voilà, tu vois. Mais toi, en même temps, j'ai l'impression que ta vie, c'est ça. T'as besoin de voyager, t'as besoin de. J'ai compris. Toi qui es né en Afrique. Papa où était hollandais. Ouais. T'es venu en France. C'est ça. Une fois à Millau, je rappelle aussi pour les gens qui étaient peut-être pas là en début de semaine, une fois dans la région Midi-Pyrénées à Millau, t'as rencontré Willy, l'équipe Yoni Willy, pour venir sur Paris. T'es installé sur Paris. Mm-hmm. T'as la bougeotte ou pas en ce carrément. Moment T'as envie de j'ai envie de prendre le large. Ouais, mais bah, tout le temps de toute façon. Mais bon, après, on peut pas forcément se permettre, surtout quand on a un projet en cours. Tu vois, on doit rester sur place et. Faire ce qu'il y a à faire, mais bon, dès que j'ai l'opportunité, Fred. Ciao, ciao. Ciao. C'est quoi la destination que t'as envie de faire? Aucune idée. Je partirai à l'aventure comme d'hab et puis on verra. Ah ouais, toi t'es une meuf comme ça, du jour au lendemain, tu peux très bien faire le sac et. Ouais, et déménager, oui, c'est trop mon délire, carrément. C'est vrai. Ouais. Et t'as pas une envie particulière, un continent en particulier? Honnêtement, pour l'instant, non. Pour l'instant, je vis un peu au jour le jour, je fais ma musique et puis on verra. L'Afrique te manque un peu justement? Ah oui, mais j'y vais tous les ans en Afrique. J'y vais. Mais bon, de là à aller m'installer encore là-bas, peut-être plus tard, tu vois. Pas... Mais le côté la chaleur humaine, je parle pas uniquement le climat, mais la chaleur humaine, les gens, voilà. La mentalité, ouais. C'est clair. Ça, ce côté-là, ça me manque beaucoup. C'est vrai qu'ici, les gens sont beaucoup plus froids, moins sociables. Là-bas, c'est le partage. On est plus communautaire, on vit tous ensemble, tout le monde aide tout le monde. Ici, je crois que même si je suis chez mon voisin pour demander de l'eau, c'est limite, il n'ouvre pas. Quoi. Bah là, il flippe. Voilà, donc, une meuf qui me demandait de l'eau, c'est mystique. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'Afrique, en même temps, tu parlais de communautaire, mais je trouve que justement, quand tu vas en Afrique, moi qui suis un petit blanc, qui a eu la chance aussi de me balader. De la communauté, je ne parle pas forcément de couleur ou d'origine. D'accord, c'est ça, ouais, parce qu'en fait, voilà, en Afrique. Peu importe qui voilà. tu es, peu importe ta religion, d'où c'est tu ça. Viens, il y a toujours une place à table en fait, c'est ça c'est qui est ça. Assez fou. On t'accepte les bras ouverts, ouais. C'est chaleureux l'Afrique, c'est ça, c'est beau. C'est... Moi le Sénégal où j'ai grandi, ça s'appelle le pays de la Teranga. Donc déjà Teranga c'est pays de l'accueil, tu vois, c'est ça, on est... l'Afrique c'est chaleureux. Bon, donc tu y vas chaque année, c'est quand le prochain retour J'espère en décembre. Décembre. Ouais, je vais essayer, pendant que vous serez avec les doudounes. T'as pas le droit. Bon, elle est avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Il y aura du live tout à l'heure, live aussi acoustique, je le disais, avec Izo. On présentera d'autres invités dans quelques minutes. On remettra aussi un autre morceau. Et là, c'est le son de Wiz Khalifa qu'on écoute tout de suite. Il s'appelle See You Again. C'est extrait de la bande-son du film Fast and Furious 7. Planète Rap sur Skyrock avec See You Again, Wiz Khalifa et Kayenne, notre invité entre 20h et 21h, avec Mimi qui est là, vous ferez du live. Coucou. Et il y a un autre grand garçon qui s'installe à la table de Planète Rap que tu vas nous Rémi. Présenter Kayenne. C'est notre ingé son, c'est Rémi les doigts de fée. Parce qu'il a vraiment des doigts de fée. C'est l'ingé son qui bosse avec nous depuis le début et qui a toujours cru quand même en ce qu'on faisait et tout, et que j'apprécie beaucoup. Alors ça j'aime bien parce que c'est le côté, en effet, c'est ce qu'on voit pas forcément sur une pochette ou quand t'écoutes un album, mais il y a du monde qui bosse à chaque fois. Il y a beaucoup de monde qui bosse, genre ça peut être dans la promo, et puis ça peut être aussi dans le côté artistique. Donc lui, son rôle, c'est quoi, Rémi? Si tu devais présenter aux auditeurs de Skyrock, ils se disent, bon, bah, pourquoi elle a invité Rémi? Pourquoi Rémi? Bah, parce qu'il a été là pendant tout le parcours. Il a vu comment on a monté aussi, les aussi, frère de Rémi, c'est celui qui nous supporte le plus. C'est clair. Bonjour Willy, ça va? Bonjour. Il est arrivé comme ça par surprise, je me disais, mince. Un petit fantôme. Excusez-moi. Bonsoir Fred, comment vas-tu? Bah, écoute, en pleine forme, Willy, ça qui va, est là, Willy le Barge, qui est ton producteur aussi. Comme je disais, Fred, moi, j'ai traversé les petites tempêtes avec ce jeune homme. Sur Gizmo, on a fait tout les albums de Normal jusqu'à Banquise et tout, à Maruche la dernière, j'ai toujours le même ingé. Il a fait Desporoute, il a fait Mokles, il a fait d'autres grands noms du rap aussi à qui je ferai pas de pub, mais voilà quoi. Voilà, YKW, c'est très familial. Par exemple, je le prends des fois, Fred, toute une journée comme ça, tu peux lui poser la question, je le paye, il fait rien. C'est vrai, Reste avec nous. Et quand je lui dis, vas-y, maintenant il faut travailler, il fait non, la journée finie. Sinon, il va en face, il va se taper des petits massages, tu vois. C'est lâche pas tous les autres. Ah, les dossiers sont sortis, Rémi, donc tu peux y aller, tu peux aussi sortir la boîte à dossiers. C'est parti de la famille, Rémi. Ouais, Rémi, c'est la famille. Non. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que Willy le disait, c'est vrai que tu as bossé avec beaucoup d'autres personnes dans le rap français. Alors sans faire de pub, on peut dire quand même, c'était deux, trois noms. Il y a Gradure avec qui tu as bossé. Ouais, enfin c'est pas moi directement, parce qu'en fait c'est le studio Météor qui est à côté. Voilà, quel studio où tu bosses. Et là-bas, ouais, il y a Gradure, Niro, enfin tout le rap français est passé qui là-bas. Qui passe régulièrement. Voilà, juste à côté. Donc toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Kayenne, toi qui entends beaucoup de sons, beaucoup de gens, beaucoup d'artistes différents? Bah Kayenne, pour moi, c'est la nana qui kick le mieux. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Elle a depuis le début, quand je l'ai enregistrée, je crois qu'elle était mineure encore. Ouais. Et elle était déjà très technique. T'étais impressionné par ça, justement, elle ce côté. Très technique, ouais. Et en fait, là, c'est pas sur l'album, mais les premiers titres qu'on a enregistrés, ils étaient très durs. C'est-à-dire, techniquement, elle était. C'était. Rentre dedans, elle était très. C'était méchant. positif. Non, les premiers morceaux, il y en avait des festifs, mais il y en avait des vraiment. Toi, t'as cette sensation aussi sur certains morceaux, les premiers morceaux que t'as fait, où t'étais peut-être un peu plus rageuse, un peu c'est plus. C'est ça, ouais. Très, ouais, vraiment. C'était où il a fallu contrôler, justement. Et rapporter un peu de douceur. Ça, c'est Willy et Yoni qui me l'ont apporté aussi avec le temps, qui m'ont appris que j'étais une femme. Ouais. C'est vrai. Et que je pouvais pas faire que yo-yo-yo. Donc j'ai compris que oui, il y avait d'autres. Comment t'expliques, toi, cette rage? C'est justement peut-être ce que tu as vécu au niveau personnel, c'est la façon de se battre, où tu dis qu'il faut être rageuse un peu pour. C'est ça, c'est les épreuves de la vie qui rendent, qui t'endurcissent, et tu te crées une carapace en quelque sorte. Et il m'a fallu des gens autour de moi pour me dire, écoute, t'en as pas besoin, tu vois, fais ça parce que tu t'aimes ça, mais fais pas ça comme si c'était un combat, tu vois. Et du coup, j'ai rapporté de la douceur avec le temps. Donc Rémi, l'évolution pour l'instant, tout va bien? Non, mais on a fait du très dur et du très doux dès le début en fait. C'était pas que du dur. Enfin, c'était. C'est tout de suite varié. Donc, faut trouver le juste milieu. C'est aussi le truc qui est particulier, surtout quand tu bosses. Parce qu'elle aime chanter, elle aime kicker, elle aime faire les deux. Donc, du coup, c'est bien, on peut faire des bons refrains et avoir des couplets très toniques. Tu me disais, voilà, quand tu l'as connue, elle avait peut-être 17, 18 piges, maintenant 20 ans. Ouais. Très mûre aussi, un côté. Voilà. Ouais, ouais, bah, c'est l'expérience, c'est à force d'enregistrer en studio, de plus en plus performant, de chanter, de faire des refrains de plus en plus compliqués, mettre des armos, plein de voix. Et. Le morceau, les morceaux très mélodiques et. Enfin, mélodieux. Oui, mélodique, mélodieux, t'inquiète pas. On comprend. Donc, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. C'est ça qui est sympa. Bon, bah, merci en tout cas de témoigner. Le témoignage de Rémi qui est là avec nous. Ça fait plaisir. Et bah, avec qui tu vas continuer à bosser, je te souhaite très longtemps. Jusqu'à l'infini, c'est YW. Ça bouge pas, notre équipe. Ouais. Il est séquestré avec nous, Rémi. Tu as été payé pour cette journée ou pas, Rémi? Tu veux négocier maintenant? Non, en fait, Rémi, c'est le cousin à Yoni, quoi. Je rigole. Merci, voilà. On l'a payé, on lui a donné un petit billet, et puis voilà, il a tout appris par cœur. Bon, allez, c'est le Planète Rap. Merci en tout cas d'être là, Rémi, avec nous entre 20 et 21. Pour voir les images, c'est sur l'application Skyrock, le Skyrock FM. On met un morceau. Ouais, mais avant ça, n'oubliez pas le jeu concours qui continue. Bien. Donc, vous envoyez ce que vous pensez, ce que la femme représente à vos yeux sur Skyrock. Et bah, demain, on donnera tous les gagnants qui gagneront un album dédicacé. Et plus rien ne me choque, c'est le morceau qui est choisi maintenant qu'on va écouter sur, sur ton projet. Yes. Le projet qui sort dans 4 jours maintenant et en précommande dès maintenant. Allez-y. C'est ça, allez cliquer. Cayenne avec nous. Merci. Johnny Willy. Faut pas déconner ma sœur, faut pas devenir comme Zaya. On se projette pour coller ailleurs. Trop de soucis sur Panam. On en a vu de toutes les couleurs. On parle pas de mecs, c'est cool. Je m'endors avec du doré. Je crois que c'est la même en tôle. On est là à se prendre la tête. On en oublie même de prier. À croire que le diable nous a pris au cœur. C'est vrai que j'ai du mal à m'y faire. Mais faut continuer de trimer. Comme si nos âmes n'avaient pas souffert. J'analyse mes fautes, banalise les autres. Je voudrais faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. J'analyse mes fautes, banalise les autres. Je veux faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. On veut faire le tour du globe. Dans la caisse à pète des clopes. On brosse comme des gouffres entre sauces. Toujours quelques thunes dans la poche. Je dis que c'est pas tout le monde est posé. De Marseille à Paname. On aime s'amuser, rigoler. On s'en fout tant que ça va. Y'en a qui poussent la Fanta. En attendant le prochain parloir. J'ai de l'inspi, ma tête est inondée. Une pensée à tous ceux qui ont la dalle. On va bien finir par crever. On laissera tout à nos gamins. On n'est pas des cas isolés. Faudrait juste qu'on se batte. J'analyse mes fautes, banalise les autres. J'voudrais faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. J'analyse mes fautes, banalise les autres. J'veux faire le tour. Jour des types sont tous sous cam. Que les prises de tête faudrait tous qu'on se calme. Les retours au check sont partout sa dame. Sur la route du bled on a tous la vibe. On a tous la vibe. Elles veulent tout un chaos. Ils veulent tous un gamos. Chez moi on est tous un peu casos. On fume tous sur le matos. En fait y'a personne pour nous sauver. On a juste la foi. On entasse tous les projets. On est juste en bas. J'analyse mes fautes, banalise les autres. J'voudrais faire le tour du monde. J'analyse mes fautes, banalise les autres. J'veux faire le tour du monde. Plus rien ne me choque, j'affronterai les autres. Plus rien ne me frôle, ni même mon ego. Mais j'veux juste une seconde, sortir de ma peau. Car j'voudrais faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. Plus rien ne me C'est Cayenne, notre invité cette semaine entre 20h et 21h avec le projet qui sortira lundi dans les bacs. Faut qu'on se lève à découvrir. Entre 20 et 21, j'ai l'impression qu'il y a d'autres filles qui sont arrivées dans le studio. Il y a des nouvelles personnes, ouais. Des super actrices qui sont venues nous rejoindre. C'est Aïcha Silla et Kharija Diallo, c'est ça? Touré, excuse-moi. C'est pas grave, désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Kharija Touré, excuse-moi. Et donc voilà, qui sont venus nous rejoindre pour donner un peu de force, ça fait plaisir. Ça va, mademoiselle? Très bien, et vous? Eh ben, en pleine forme, bienvenue dans le Planète Rap de Cayenne. Merci. On a tous vu le film Bande de filles. Toi, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. J'ai apprécié de ouf. Bon, belle expérience en tout cas au ciné, hein? Ouais. Non? C'est bien passé? Ouais, trop bien. C'était cool? Ouais, c'était super bien passé. C'était une belle expérience et on espère. Tiens, parle bien. Hop. Proche, qu'on t'entende bien, vas-y, tu me disais. Je disais juste que c'était une très belle expérience et qu'on espère poursuivre dans ce parcours avec Assa. Ouais. Eh bah, ça, bah ouais, on vous souhaite que je pense. Je pense que c'est bien parti. Alors, qui a été la première filmée, je crois, parce que Yoni, Willy m'a dit. C'est laquelle c'était de moi. Ah, c'est toi. J'étais petite. Quand t'étais petite? Ouais. Repérée déjà par le label YW. Incroyable. C'était le premier à avoir. Enfin. Il m'a mis une caméra dessus directement et j'avais trop honte et il m'a dit mais si tu peux le faire etc. Et j'avais tourné j'avais fait une petite apparition dans son premier clip, enfin dans son clip, ouais. Je sais plus, c'était quoi. Bon, dans un clip. Voilà. Dans un clip. Et puis voilà, donc maintenant le ciné. Expérience au ciné. Cayenne, vous connaissez un petit peu le parcours de la jeune fille, vous avez écouté un petit peu toutes les deux? Ouais, j'ai écouté vite fait moi. Ma préférée, c'est Faut qu'on se lève. Ah. Ça fait plaisir. Eh ben, on le revoit. Ah non, on l'a passé, peut-être qu'on l'a passé. On l'a passera. Il y aura du live tout à l'heure, hein, donc vous restez bien avec nous entre 20 et 21. Bougez pas, le Planète Rap revient sur Skyrock. Vos messages avec le hashtag Cayenne sur Skyrock. Et on revient juste après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Cayenne pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Cayenne. C'est Cayenne, notre invité entre 20 et 21 avec le projet qui sort lundi à Palompé. Et Bande de filles ce soir aussi, hein, comme d'hab. C'est ça qui nous ont rejoint. Mimi, partie de l'équipe du tournage. D'ailleurs, vous êtes retrouvés comment, vous, le cinéma? Parce que c'est aussi, Cayenne nous expliquait son parcours pour le rap aussi. Le cinéma, ça a été quelle étape pour arriver jusqu'à le film qui est sorti il y a quelques mois maintenant? Cardia, je te laisse commencer. Vas-y, je refile la patate chaude à ma copine. Attends, c'était quoi la question? Je te remercie d'avoir écouté. Alors en fait, comment le parcours pour arriver jusque ce premier long métrage? Non, en fait, c'était un casting sauvage. C'était casting sauvage. Il n'y a pas beaucoup d'actrices black. Ouais, enfin, il n'y a pas beaucoup d'actrices africaines sur qui les réalisatrices elles pouvaient compter. Donc du coup, elles ont décidé de faire un casting sauvage. Elles se sont un peu promenées dans les quartiers, enfin où on pouvait trouver des africaines, Châtelet, Barbès, la Foire du Trône pour moi. Donc moi j'ai été repérée à la Foire du Trône. Et donc il y a la directrice de casting qui est venue m'aborder, elle m'a parlé du projet, tout ça, et après ça s'est fait, je suis partie passer les castings et on m'a prise. Bon, c'est intimidant un peu au début justement les castings, le côté casting, essayer de se vendre devant une caméra, essayer... Alors moi c'est pas du tout pareil qu'elle. Moi c'est, enfin, je me suis pas du tout fait repérer dans la rue. C'est mes copines qui se sont fait repérer. Ensuite elles m'ont parlé du casting et moi je me suis tout de suite moquée d'elle. Enfin, je me suis dit, enfin, genre nous on va jouer dans un film, j'y croyais pas. Vous rêvez quoi. Et finalement j'ai décidé de les accompagner. Une fois arrivée là-bas, on m'a proposé de passer le casting à mon tour. Je l'ai fait et après on m'a rappelé plusieurs fois pour passer des essais. Et voilà. Non, franchement, ça s'est bien passé parce qu'ils nous ont tout de suite mis à l'aise. On était avec Christelle Barras, qui était la directrice de casting. Et elle nous mettait dans une situation et on devait improviser. Et voilà. Franchement, ça s'est fait naturellement. Et puis, on était toutes pas compétentes. On était toutes pas dans le métier, en fait. Ouais. Il y avait plusieurs filles, on était toutes ensemble. Donc D'où aussi la spontanéité du film et tout. Il y a un truc qui se passe quand on regarde le film. Clairement, vous êtes d'autres propositions, les filles? Il y a des choses qui se préparent pour vous? Ah, ça, c'est une actrice confirmée déjà. Bon, on m'a déjà oublié. Non, enfin, après Bande des filles, j'ai rencontré un agent. Et après, j'ai passé d'autres castings. J'ai eu un rôle principal pour un téléfilm qui s'appelle Dambé la tête haute, qui est sorti sur Arte il n'y a pas longtemps. Ensuite, j'ai enchaîné avec des petits rôles dans des séries comme Falco, Engrenage, etc. Et voilà, et là, j'ai un autre projet, mais ça commence qu'en septembre, donc pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Advienne que pourra. Bah, bonne chance en tout cas à vous, hein, les filles, merci d'être là. Ouais, c'est bien si le cinéma se colorie un petit peu, ça fait du bien aussi. Ah, mais ça fait plaisir, c'est clair. Ça ressemble un peu plus à la France qu'on connaît, quoi. C'est clair. Il était temps. Avis aux producteurs, à l'écoute. Bon, Cayenne, on va écouter un morceau. Vas-y. Lequel? On part sur quoi? On va se mettre quelques notes. Quelques notes? Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock, ça sort lundi dans les bacs. Les yeux fermés, je m'envole sur la vibe. Je suis dans un autre monde. On se perd. Se retrouve tôt ou tard, en l'espace d'une seconde. nos rêves en quoi on croit. Noyé dans la tristesse, on voit toutes ces choses en noir, noir. Y'a que nos rêves en quoi on croit. Noyé dans la tristesse, on voit toutes ces choses en noir. La vie c'est pas un conte de fées, comme tu pouvais le croire. Les mêmes potes deviennent des putes, donc faudrait devenir un miroir. On se noie dans le faux, c'est vrai, on se croirait possédé pour une affaire de scud. On peut vite finir dans un coffret ray. Les mêmes qui dealaient à la chaîne pendant des piges. Soit ils sont au max, soit ils ont pris 10 piges. Ils te laissent kiffer dans une ambiance. C'est facile de perdre la tête devant des scénarios de romance et une sale enfance. On n'a pas ça dans le sang. La haine date pas de l'enfance dans nos récits trash. Y'a pas que de la souffrance jusqu'à mon dernier souffle. Laisserai personne guider mes pas. Place ma confiance en lui, Dieu, c'est le seul maître de nos âmes. N'ai jamais de regrets quand je repense à tes erreurs. Personne n'est parfait, donc personne n'est supérieur. J'ai comme un goût de haine quand je repense à la vie. L'erreur est humaine, je pardonne la médisance, c'est le mépris. Les yeux fermés, je m'envole sur la vibe, vibe, vibe. Je suis dans un autre monde. On se ferme et on se recoupe tôt ou tard, tard, tard. En l'espace d'une seconde, y'a plus d'espoir au fond des larmes, larmes, larmes. Y'a plus de honte, nos pieds sont trempés dans le drame, drame, drame. On se lève dans tout. Nos existences sont éphémères, non, ce n'est pas un paradoxe, on partira comme nos ancêtres. Inutile d'être parano, j'ai perdu des gens chers et je déplore leur mort. Que je chante sur la caisse claire et quelques notes de piano. Pour tous mes refrains paro, pour ceux derrière les barreaux, pour ceux qui écoutent nos paroles, pour nos sœurs et pour nos darons, pour ceux qui se tiennent à carreau et ceux qui mettent des chaos, ceux que la drogue a rendu accro pour se barrer car ça tourne pas rond. J'ai fait du mal, j'ai fait du bien sous l'impulsion, en cherchant l'idéal, combien se perdent à cause de leur pulsion. Du genre impulsif, cause d'une vie menée durement, les plus dangereux s'éteignent le plus souvent. Brusquement, la trahison arrive aussi vite qu'un coup de massue. Cherche pas à fuir, tu ne pourras qu'assumer les courbatures. Dehors c'est mort comme ta boîte. Impossible de rester sobre dans une ambiance inadéquate. Mais au fond je m'en tape. Les yeux fermés, je m'envole sur la vague. On voit toutes ces choses en noir, noir. Y'a que nos rêves en quoi on croit. Noyé dans la tristesse, on voit toutes ces choses en noir, noir. On se laisse séduire par des mots, des promesses irréelles. Ne donne pas le survie à des mots, mais ils ont quand même un peu de potentiel. Combien sont mis à dealer de la cam dans les boîtes avant de finir au placard ou en tout cas dans des sales draps. Combien de nos sœurs ont choisi le mauvais cum à genoux devant les coups, prisonnières de leur cœur et de leur amour. On se laisse guider par le mauvais œil, tendance affectueuse dans nos cœurs. On est pieux, mais je crois qu'on pourrait faire mieux. Le mal est fait, j'accepte le pardon. Je ne suis pas rancunière, je crois qu'on porte tous un fardeau. Chacun sa filière, du propre sale, il n'y a qu'un pas. Pas facile de faire le choix comme un soldat qui enlève sa tenue de combat. Les yeux fermés, je m'envole sur la vague. On voit toutes ces choses en noir, noir. Y'a que nos rêves en quoi on croit. Noyé dans la tristesse, on voit toutes ces choses en noir, noir. Cayenne. C'était quelques notes. Quelques notes, extrait de ton projet qui sort lundi dans lundi les bacs. Dans les bacs. Entre 20 et 21, voilà. On parlait justement des morceaux un peu plus doux tout à l'heure avec Rémi, notre ingé son. Ouais. Qui est là, qui a bossé avec toi. Ça en fait partie aussi de ces morceaux. Il y a des tonalités différentes, il y a des sons différents. Ouais. Et ce n'est qu'un premier projet. C'est le tout premier projet, ouais. Donc la suite arrive. La suite arrive. Et dans quelques minutes, le live avec vous, à pas louper, juste avant, ouais, je présente. Ouais, c'est ça. On va aller faire un tour du côté de Daumont dans le 9-5, rejoindre rapide Daumont, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Et bah ouais, en forme, bienvenue. Merci. Je te présente Cayenne et sa bande de filles. Salut. Ce soir avec nous. Enchanté, enchanté. Rapi, tu es prêt à rapper, à freestyler? Ouais, je suis prêt, je suis prêt. Je rappelle que pour tous les freestylers à l'occasion de la sortie du film Les Gorilles, vous repartez avec un mini iPad. Il est pour toi, Rapi, mais on va quand même t'écouter rapper. C'est okay. Parti, session freestyle par téléphone maintenant. Tiens. Celle-là, c'est pour tous les refaits d'un bendo. C'est nous pas t'as ma vie, c'est pas le kéno. Quelques billets d'air, t'as de certains, laissez-moi faire les louches, je vais tous les sabrer. Les faux amis n'ont pas fini de me trahir. Aujourd'hui, je t'aide et demain, tu m'oublies. Peu sur mon navire, photo, je suis quelqu'un qui quand je rencontre la monnaie, moi, j'irai pour ravi. Je vais choquer la face, tu es résident. Déterminé comme un fait que résistant. Non, je commence par au Pakistan. Mon cul, c'est pas de bitch. On est plus tente, tu me diras à moi, je te laisse la gueule en sang. Au point du succès, je pose mon encre. J'ai les crocs, me demande pas d'être tendre. Je suis, c'est le seul, me demande pas descendre. Même si tu fais la merde, allez, va te pendre. Faire de ce que je suis. Alléluia, je te baisse en podcast. Je me tape comme Boyka. Télo, Tilo, ça se voit qu'un. Adversaire des Yankees, clic sur Coca. On fait ce qu'on peut, mais la poisse ne lâche pas. On fait ce qu'on veut, mais les bleus ne lâchent pas. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ne m'attrapent toujours pas. Je pose mon flow, j'ai galard comme Kuka. All black, elle veut que j'ai un flow nègre. On fera du bif comme les parents de la pègre. Je ne l'aime pas, mais pourtant je la drague. Il ne veut rien faire, mais pourtant il me traque. C'est le monde à l'envers, je vois des pédés qui jacquent. Et lui, jamais dit, t'es même rien qui me back. Famille Koulibaly est égal à Hongbak. Je donne à mon effrayant, entouré de mes créants. Les petits amis sont créants, c'est que même l'amour est payant. Ta politique de merde, ça passe dans la salle de fion. Tout ce qu'on veut, c'est du bif et non contre la nation. Radpi à l'instant. Lourd, Radpi, lourd. À l'instant, de Domon, le mini iPad avec le film Igori qui est sorti mercredi. Et petit dédicace, petit message à passer, on t'écoute. Ouais, dédicace pour Domon, tous ceux qui m'ont reconnu, CDLG, Steven, tous les autres, à 7-0 Bloc, Giri Châtillon, on lâche rien. Eh ben, merci à toi, Radpi. Merci, Radpi. On te souhaite une bonne soirée. On peut te retrouver sur le net, t'as 2-3 petites adresses aussi à filer si on veut te retrouver sur le net. Sur le net, la page Facebook 170 Bloc et j'ai une autre page d'un pote à moi, Calibre Officiel. Suivez les deux, vous allez me retrouver dessus. Donc on pourra aller cliquer et te suivre aussi Radpi sur Skyrock. Merci à toi. Merci à vous. Passe une bonne soirée. Le Planète Rap dans un instant, le live. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un nouveau son de Rihanna qui est arrivé aujourd'hui. Lequel? C'est American Oxygen, ça. Bah on l'a écouté dans la voiture. Bah oui, on l'a écouté. Il est pas sorti aujourd'hui celui-là. Bah ouais. Non, il était balancé, mais il est sorti aujourd'hui. Oui. Elle l'a fait ce week-end lors d'un festival. Et là, la version définitive est arrivée. Et avec le clip qui est arrivé aussi, je sais pas si vous avez maté. On parlait justement avec les filles qui sont là, de ce côté un petit peu colorié la France. Mm-hmm. Elle retrace un petit peu justement sa vision des États-Unis. C'est magnifique. Ouais, le clip est incroyable. Entre tout, c'est lourd. Et bah juste avant votre live, on écoute ce morceau, de nouveau morceau de Rihanna qui est arrivé. Ça annonce l'album R8, il s'appelle American Oxygen. Et puis juste après, Izo a déjà sa guitare. Ouais. Il y a du live avec Kayen, avec Mimi sur Skyrock. À nouveau Rihanna, American Oxygen à l'instant sur Skyrock. Ouais, j'aime beaucoup. Pas mal, hein? Magnifique, mal. Fort. Franchement, elle bouge pas, elle. Ouais. Elle bouge pas. C'est la meilleure, c'est clair. YKW, Yoni Willy. Ah bon, elle a signé là-bas aussi. Ah ouais, on a une nouvelle recrue, c'est Rihanna. Une nouvelle copine. Bon, est-ce que vous êtes prêtes maintenant les filles pour le live? Ouais. Cayenne, oui. Mimi? Yep, toujours. Iso aussi. Sims, pareil. On commence par quoi, non? Acoustique. On va commencer, par l'acoustique avec Iso. Eh ben, c'est parti, on maintenant. Allez. En live. Faut qu'on se lève. Ouais, faut qu'on se lève, les filles. Yo. J'ai pris le large. Yo. Et j'ai pris le large. Ouais, j'ai pris le large, le large. Et j'ai pris le large, le large. Ouais, j'ai pris de l'âge, de l'âge. Les années filaient, je peux te... ça ne fait qu'empirer. C'est vrai que j'ai mal et que le bon temps me fait vibrer. Oui, j'ai besoin de prendre le large, le large. Mais combien de temps ça va durer, dis-moi? Tu sais, j'ai mal et je perds l'espoir, l'espoir. Oui, je perds ma voix. Donc j'ai pris le large, le large. Ouais, j'ai pris le large, le large. J'ai pris le large, le large. J'ai pris le large, le large. J'ai pris le large, le large. Ouais, j'ai pris le large, le large. J'ai pris le large, le large. Et j'ai pris de l'âge. Lorsque l'amour nous fait faux bon et que le temps nous paraît long, on attend tous notre chance de prendre le large. Mais pour cela faudra être patient, car on s'égare de temps en temps. Tout va plus vite dès à présent. On prend de l'âge, on prend de l'âge, on prend de l'âge. On prend de l'âge, on prend de l'âge. J'ai pris le large, le large. J'ai pris le large, le large. J'ai pris le large, le large. Et j'ai pris de l'âge. J'ai pris de l'âge. Et j'ai mal, et j'ai mal. dis-moi comment chanter la joie, comment franchir le pas quand il ne reste plus l'espoir. Et je plane quand la vie nous enlève son charme. Mais dis-moi comment sortir du drame. Oui, j'en perds même ma foi. Et j'ai pris le large. Ouais, j'ai pris le large. J'ai pris le large. Et j'ai pris de large. J'ai pris le large. Ouais, j'ai pris le large. J'ai pris le large. Ouais, j'ai pris le large. J'ai pris le large. Ouais, j'ai pris le large. J'ai pris de large. Ouais, j'ai pris le large. J'ai pris le large. Le large. J'ai pris le large, j'ai pris de la large, j'ai pris de la large, j'ai pris le large, j'ai pris le large, j'ai pris le large. Yo, 20 avril dans les bacs. Bravo à l'instant, live acoustique. Morceau écrit aujourd'hui alors? C'est pour ça qu'il y a eu quelques fautes. Ouais, mais en même temps. Mais c'est du live. Écrit il y a 3 heures. Et pourquoi vous rasseyez les filles? C'est pas fini là? Ok. Oui, bah oui. On continue alors. On part sur qui alors? Sur vous deux? Ouais, sur nous deux toujours. Vas-y, let's go. Yaman. Au platine. Yoni Willy. Ouais. Yoni. Cayenne. Rasta Roots. Yo. Yo. Parce que je rêve de vivre. Une fois de plus, je m'enferme. Oui, je vais bien, mais je veux juste prendre l'air. On se laisse entraîner dans des problèmes de merde. Oh, je rêve de vivre, m'entourer de gens qui me font rire. Oui, je voudrais m'endormir libre, de la vie je suis libre. On se lève à l'aube, mal de tête et mal à vieille gueule. J'ai passé une soirée de dingue. Yo, je mets mes rébans sur la tête et sors, y'a personne. J'ai qu'une envie, c'est faire la brinque. Parce que je rêve de vivre. Une fois de plus, je m'enferme. Oui, je vais bien, mais je veux juste prendre l'air. On se laisse entraîner dans des problèmes de merde. Wow, je rêve de vivre. M'entourer de gens qui me font rire. Oui, je voudrais m'endormir libre. De la vie, je suis libre. Sur moi j'ai toujours pas de bif, pas de clope, pas de taf. Dans la rue à plein temps, hey, j'en ai presque des rastas. J'ai croqué la vie à pleines dents, sista et puis basta. On prend les coups de nos mères, les couilles de nos pères et ça fait pas de mal. Pas ma Yves, zap si tu t'emballais. Qu'à jeune 4 avec la mif, j'ai vaincu le souci dans une barrette. Sénégal, Dakar, City, Hollandaise, Camer. On sait faire la diff, Yoni, Willy, parce que je rêve de vivre. Une fois de plus je m'enferme. Oui je vais bien mais je veux juste prendre l'air. On se laisse entraîner dans des problèmes de merde. Wow, je rêve de vivre. M'entourer de gens qui me font rire. Oui, je voudrais m'endormir libre. De la vie, je suis libre. Yo, et je wine sur la piste pour mes girls et mes boys. Et on wine sur la piste pour mes girls et mes boys. Yo. De la musique dans ma tête, oublie les problèmes et la merde. J'ai qu'une envie, c'est de faire le show. Allure de folle avec mes dreads. Si ça sert moi un verre, ce soir on boit pas d'eau. Non, pendant qu'on whine sur la piste, nos frères font bouger la street. Babylone, assassinat, meurtrier, illicite. Et on whine sur la piste, whine dans la street. Whine sur la piste, whine. Parce que je rêve de vivre. Une fois de plus je m'enferme. Oui je vais bien mais je veux juste prendre l'air. On se laisse entraîner dans des problèmes de merde. Oh, je rêve de vivre. M'entourer de gens qui me font rire. Oui, je voudrais m'endormir libre. De la vie, je suis libre. Yaman, Mimi, YW, 20 avril dans les bacs, faut qu'on se lève. Allez, pécho le P, Rastaman. Yaman. Y et W, ma gueule, c'est pour les vrais. Ouais. Dans les bas. Défense fâche, mais on parle. Et on revient avec le cœur sur la main. Et on se fâche et on revient. Et on se clash et on revient avec le cœur sur la main. Déjà gamine, on m'a jeté dans la cour des grands. Le sourire de ma mère m'indiquait ma direction. Habitué au coup de crasse, j'en passe. dans mes hallucinations. Ce super-héros qui a déserté, lui restait-il pas un peu de bonté? Laisser une femme seule, de gosse, et malgré ça, c'était nos plus belles années. La haine m'a submergée, dans mon cœur, y'a plus de place. J'ai je suis dans le reflet de ma glace. L'homme est mauvais, veut diriger nos vies. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, j'espère être béni, Oni Willy. On se fâche, pareil, on revient, avec le cœur sur la main. Et on se fâche et on revient, et on se clash et on revient avec le cœur sur la main. Des fois on se fâche mais on part et on revient avec le cœur sur la main. Et on se fâche et on revient, et on se clash et on revient avec le cœur sur la main. Des leçons à recevoir de son père. Je suis pas ta petite moi, je suis la fille de ma mère. Je n'écouterai jamais tous ces conquéris. Maintenant c'est la musique que je veux conquérir. Venez, je vous emmène dans un monde où seul l'espoir est. Je veux faire bouger mes frères des bancs du quartier. Ce sont des vies de rêve qui leur sont destinées. Déjà enfant, on rêve en grand. Ce rêve s'arrête en grandissant. Des fois on se fâche mais on part et on revient avec le cœur sur la main. Et on se fâche et on revient, et on se clash et on revient avec le cœur sur la main. Des fois on se fâche mais on part et on revient avec le cœur sur la main. Et on se fâche et on revient, et on se clash et on revient avec le cœur sur la main. Rêve ma baraque, pépère au pays, nos soucis, vamos la familia. Pas de regrets, on quitte Paris. À ceux qui me soutiennent, je vous en remercie bien. Je rêve ma baraque, pépère au pays, nos soucis, vamos la familia. Pas de regrets, on quitte Paris. À ceux qui me soutiennent, je vous en remercie bien. Des fois on se fâche mais on part et on revient avec le cœur sur la main. Et on se fâche et on revient, et on se clash et on revient avec le cœur sur la main. Des fois on se fâche mais on part et on revient avec le cœur sur la main. Et on se fâche et on revient, et on se clash et on revient avec le cœur sur la main. Mimi, Mimi, YWB, Cayenne le 20 avril. Ça bouge pas. Bon anniversaire, Marron. Joyeux anniversaire. À l'instant en live sur Skyrock, il y avait Cayenne avec Mimi, Mimi aussi pour conclure à l'instant ce Planète Rap. Merci. C'est un morceau qu'on peut retrouver sur YouTube. Mmh. Il s'appelle On part et on revient. Allez cliquer, soutenez-nous. Voilà. Soutenez la famille, allez cliquer. J'ai déjà mangé hier, j'ai pas remangé aujourd'hui. T'as pris un petit coup dans la gueule ou pas? Bah, j'étais bien. Hein. T'as vu, ils ont même pas eu besoin de moi. T'as vu, j'ai disparu. Non, c'était bien en même temps. Franchement, félicitations les filles. Merci. Bravo. Merci Yoni, Yoni l'ombre aussi. Merci Yoni. Tout à l'heure, j'étais Yoni qui a enlevé sa veste aujourd'hui. Yoni le barbu, merci Willy le barbu, merci et le barbu. Merci à Iso qui était. Ouais, Iso, franchement super, Iso, le meilleur. Merci, merci vraiment. Un grand respect, une grande force du cœur. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci aux copines. Merci à Marie, Wayna, Sambulou. Attends, moi je vais faire un gros remerciement à ma sauce qui est là, Aïcha, là, franchement, parce que c'est un bonhomme. Ouais, clair. Comme je disais hier, à des meufs. Elles assurent plus que des mecs. Exactement. Et elle en sur la table. Elle en fait partie. Et merci à Khadija aussi. Et on vous souhaite longue route. Je les ai rendus dingues. Hein. Mais franchement, c'est des sistas. Rien à c'est dire. C'est clair. Exactement. Et ceux qui essaient de leur faire du mal, ils auront faim à moi. Exactement. Il y a le barge derrière. Derrière, il y a toujours un fantôme. Mais je pense que personne n'a envie de leur faire du mal. On sait jamais. Regarde comme les hommes, ils aiment faire du mal aux femmes. On sait jamais. Ouais, mais. On sait jamais, c'est la vérité. T'as tout le temps. Regarde. Continue le concours avec les femmes demain. Qu'est-ce qu'il y a? T'as été. Il y a un problème? Il y a zéro problème. Ce que je dis. C'est la vérité, tu vois. On sait jamais, on sait jamais, c'est nos petites sœurs. Willy, tu as raison de le dire, de le rappeler. Fred, mais, comme chaque soir, on a des dédicaces à faire. Ouais. Donc alors allons-y, on commence. Donc je vais commencer tout d'abord par Pika, que j'ai oublié hier, et que voilà, un gros big up à Pika. Pika nous a fait sa liste, donc on va faire un big up à Pika, à Gato et à Loulou. Voilà. Ensuite à Merwa, Sambulou, Waynux qui sont là, merci du soutien. Marie, toujours ça bouge pas. Elvieto, Marwa, Nicolas, bisous, Nicia, merci, bisous à la Corse aussi. Et voilà, je te laisse faire Matteo et Nino. Moi j'ai Bibi, Rémi, voilà. Merci. Ouais, Rémi. Merci. Bon, bah, je crois que tu as dédicacé tout YW. Moi, je vais dédicacer les absents que j'ai oubliés hier. Boudj et Pif, je vous fais un gros bisou. Eh voilà. Bah, merci. Merci, petite dédicace, les filles, aussi, avant d'y aller. Dédicace. Ok, mais c'est pas nécessaire, hein, c'est pas grave. À Barbès. Au quartier. Au 18e. Quartier, voilà. Un quartier, la goutte d'or. Un coulis. Viens, on s'amuse un peu. Il y a qui après, il y a Grinette à la goutte d'or. Il y a Sony. Il y a Sony, coulis, tous les mecs du square, les petites devant. Omzo et sa clique, là, tous les petits rappeurs, là, qui kick, là, t'as vu. Mafia, c'est quoi déjà, Mafia? La B-Mafia. La B-Mafia, voilà. Tous ces petits mecs, là, qui vont arriver, à qui je fais confiance. Et ben, merci à vous d'être passé dans le planète rap de Cayenne, en tout cas, et bonne chance à vous aussi, les filles, pour la suite. Bravo. Avant de se quitter, avant de retrouver Diffoul, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre ton kit d'album de rap français et de rap R&B US. À toi de choisir. Allô? Oui. Ah, Jean-François, comment ça va, Jean-François? Ça va, tranquille. En pleine. Tu habites à Merlan, c'est ça? Oui, à Marseille, au Merlan. Ah, Marseille, au Merlan, ouais, parce que je me disais Merlan. Ouais. Non, dans le 13. Non. Ben ça va bien ? En forme ? Tranquille, prêt à faire tourner la roulette, on y va mon pote. Dès que tu veux, tu distingues, c'est parti. Hein. La roulette tourne. Quelque chose. Vas-y, dès que tu... Quelque chose me dit qu'hier soir tu étais barcelonais, Jean-François. Tu le sais, espagnol. voilà, je me disais, tu as l'accent espagnol. Tu as l'accent ça, catalan depuis catalan. Hier. Et tu repars avec tes plutôt quoi ? Son français, son US, t'as envie de quoi ? Français, vas-y. Français, bah une dizaine d'albums qui arrivent à la maison, dont les albums de Caris, La Crime, le projet aussi de Cayenne. Qu'est-ce que tu disais, Cayenne? J'ai dit qu'il avait bien l'accent du sud, celui-là. Regarde, c'est Merlan, c'est le quartier de Merlan là-bas. Ça vient de Merlan. Le clos de Merlan. Eh bah, merci à toi d'avoir été avec nous. Merlan. Merlan aussi. Ciao l'équipe, ciao les Marseillais, merci Cayenne, rencard demain pour le dernier planète merci rap. Merci Fred, à demain. Merci aux filles, merci à tous ceux qui étaient là ce soir dans l'émission. Ouais. Et à Iso qui était là. Oui, encore grand merci à tous ceux qui étaient passé. Là. Merci Iso, merci. Et on va retrouver Diffoul maintenant qui doit être là avec toute l'équipe de la Radio Libre. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Mais qui ne devrait pas tarder, je pense qu'il est. Oui. Ah voilà, j'entends Marie, regarde. On fait des blagues. Salut Marie. Une petite blague. La petite blague du soir, toujours très très drôle. Toujours très drôle. En train de me dire, mais où sont-ils passés? C'est ça. Bonjour Fredo, bonjour Cayenne. Salut, bonjour, tout le monde. Vous allez bien? Salut, bien. Ouais, merci. Ouais. Soirée s'est bien passée. Enfin, le super. Début de la soirée s'est bien passée. On a entendu. Passé. On était ouais, bien. Super. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Très bien. Bah, demain aussi. Et demain, c'est la dernière de la semaine. Donc, déjà. Feu d'artifice, comme on dit. Le final du feu d'artifice avec toi, Cayenne. Ça va péter. T'inquiète, il y a des surprises pour demain. Bon, bah, des surprises. Faut être là. On dit rien. Bah oui. On ne dévoile rien. Demain, 20h, 21h. En c'est direct sur Skyrock. C'est ta surprise. C'est Cayenne à découvrir tout au long de la semaine. Et donc, demain, dernière journée. Soyez là sur Sky. Passez une belle soirée. Et moi, j'ai encore une réponse pour Cayenne. La petite réponse de Karim. Karim. Sur le concours. L'avant-dernière chance. L'image de la femme. À tes yeux. À tes yeux, Karim. Des michetonneuses. Ah, merci. Allez, tu sors. Ça michetonne à mort. Tu sors. C'est bien au pire. Bah, l'album, là, c'est vraiment mort. Putain, merde. Oh, la classe. Tu gagnes même pas une photo. Oh la classe. Ah ouais, la classe. Des michetonneuses. Oh là là, comme tu dis, Cayenne. Allez, Karim, dehors. Ouais, dehors. Et demain, puis, voilà, demain tu tentes, c'est ton dernier jour. Non, bah, allez, envoyer Willy Barge. Je crois que c'est mort hein, pour toi. Ouais. Envoyez-lui Willy Barge. Willy, il a dit que t'étais une michetonneuse, Karim. Karim, t'as traité de michetonneuse. Ouais, Karim, il a dit que t'étais une michetonneuse. C'est pas grave, j'accepte. Ah bah. Voilà, t'as un salaud, moi. Je savais qu'il allait accepter. Grosse pétasse, moi. En plus, j'adore. Très bien. Eh bien, nous continuons dans la poésie. Ça comme tu le sais. C'est ça, quelle poésie. Et quel poète. Voilà, je suis une michetonneuse. Merci, Willy. Il y a un mec qui m'a traité de niafou il y a pas longtemps, tu vois. C'est quoi ça? C'est quoi, niafou? C'est les beurettes, mais en version Renan, tu vois. Ah, d'accord, ok. Je savais pas. J'ai appris un truc. Ah, ouais, Willy. Voilà, ok, d'accord. Ouais, je traîne un chapelet et tout, je mange des grecs. Okay. Depuis, il est dans la scène. Voilà. Tant que ça m'embellit, moi je trouve. Ça me va. Merci Willy, merci Cayenne, merci Fredo. De rien. Et à demain, et on démarre avec Wiz Khalifa. See you again. BO de Fast and Furious, terrible ce morceau. See you again. C'est pour démarrer la soirée, puis on vous attend en direct dès maintenant au 01 53 40 30 20 jusqu'à minuit. Radio Libre avec nous sur Skyrock. Salut Fredo, salut Cayenne. À demain. Et on arrive tout de suite sur Sky. Tous les matins.